C'est une histoire qui est pour rien. Mais oui, elle est belle, elle en dit je. 482, histoire d'amour et de désir. Les antistes tous anonymes, l'esprit tu as dans le livre. Dont tu rendu vu la transcribe, le siècle est venu. Le venu, le temps des cathédrales, le monde est tombé dans un nouveau millénaire. Par vu le monde des belles étoiles, pétrissent son espoir dans le verbe ou dans les pieds. Puis répète bien, tu le plaisir, de siècle en siècle avec l'amour. Il a vu s'élever les dieux qu'il avait bâti de ses mains. Les poulets de les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient toujours humain du meilleur lendemain. Devenu les tons des cathédrales, le monde est tendré dans un millionnaire. Ma vie, le monde est valé, c'est allé, pétrit son espoir dans les vapeurs, dans les pierres. Il est venu le temps des cathédrales.